Faites des phrases selon les modèles. J'ai raté. C'est à cause de toi que j'ai raté. J'ai réussi. C'est grâce à toi que j'ai réussi. J'ai mal travaillé. C'est à cause de toi que j'ai mal travaillé. J'ai fait des progrès. C'est grâce à toi que j'ai fait des progrès. J'ai trouvé un appartement. C'est grâce à toi que j'ai trouvé un appartement. Je suis arrivé en retard. C'est à cause de toi que je suis arrivé en retard.